just as we sang today, I know his voice. Und genauso wie wir heute gesungen haben, ich kenne seine Stimme. On vient de chanter la chanson que je connais sa voix. My savior voice. Die Stimme meines Retters. La voix de mon sauveur. His voice is wonderful. Seine Stimme ist wundervoll. Et sa voix est merveilleuse. I know his voice. Ich kenne seine Stimme. Je connais sa voix. Praise the Lord. Hallelujah. Let us really know his voice. Lass uns seine Stimme wirklich kennen. On doit vraiment connaître sa voix. Because he knows if we know his voice. Denn er weiß, ob wir seine Stimme kennen. Parce que lui, il sait si on connaît vraiment sa voix. And Satan also knows that we know his voice. Und Satan weiß, dass wir seine Stimme kennen. Et puis même le diable le sait aussi. Do we know his voice? Kennen wir seine Stimme wirklich? Mais est-ce qu'on connaît vraiment sa voix? Satan is not afraid that the Lord reveal anything to you. Der Satan hat keine Angst davor, dass der Herr dir irgendwas offenbart. Et le diable, il n'a pas peur parce que Dieu te révèle des choses. He can come immediately to show you his own way. Sofort kommen, um dir seinen eigenen Weg und Willen zu zeigen. Parce qu'après la révélation de Dieu, le diable peut directement venir avec ses propres chemins pour recevoir ce que Dieu t'a révélé. Praise the Lord. Hallelujah. I will take this message to one side. I will preach this. Amen. Amen. Let us go to Matthew 16. Matthäus 16. On va lire Matthieu 16. Praise the Lord. Praise the Lord. Matthew 16 from verse 13. Matthäus 16 von 13. Matthew 16, verse 13. Amen. Amen. When Jesus came into this coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." You can see all this that they mentioned, they are all prophet. All diese Leute, die sie genannt haben, sind alles Propheten. Et tous les gens qui sont mentionnés ici, ce sont tous des prophètes. Then he now asked them, in verse 15, he said unto them, "But whom say ye that I am?" In 15 fragte sie, aber für wen haltet ihr mich? Dans verset 15, Jésus demande, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? What about you? Was ist mit dir? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? If people call you losers, then what do you call yourself? Wenn Leute dich Verlierer nennen, was nennst du dich selbst? Si les gens t'appellent un perdant, qu'est-ce que tu t'appelles toi-même? Amen. Amen. They call you failure. Dich versagen. What do you call yourself? Wie nennst du dich? Et si quelqu'un t'appelle que tu es un échec, qu'est-ce que tu t'appelles toi-même? It doesn't matter what they call you. C'est grave, si dich nennen. Et ce n'est pas important ce que l'homme t'appelle. It doesn't matter their laughter. C'est grave, wie sie lachen. Et même si ils se moquent de toi. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Jesus is asking. Jesus, he said, "What about you?" Was ist mit dir? Jésus demande, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Because you are different from them. Denn du bist anders als sie. Parce que toi, tu es différent à eux. You are alive, they are dead. Amen. Du bist lebendig und sie sind tot. Toi, tu es en vie et les autres sont. And everything of you and of them should be different. Und alles von ihnen und dir sollte unterschiedlich sein. Et puis, tout ce qui te concerne doit être différent à par rapport avec la chose des autres. It means what moves them should never move you. Was sie bewegt, soll niemals dich bewegen. Donc ça montre ce que bouge le monde, ça doit jamais te bouger. What they consider, you should never consider it. Was sie erachten, solltest du niemals erachten. Ce que le monde considère, c'est toi, tu dois jamais le considérer. You remember the song we always sing, "Great Chances, I Am Born Again." Erinnert euch an den Song, den wir immer wieder singen, dass eine große Veränderung, seitdem wir wiedergeboren sind. Et rappelez-vous à la chanson où on chante, il y a un grand changement depuis que je suis née de nouveau. You know how they take decisions before. We know how we take decisions like them before. But now, it is the Lord's decision. Wir haben früher so Entscheidungen getroffen wie sie, aber jetzt ist es die Entscheidung des Herrn. Avant, on prenait les décisions comme le monde, mais maintenant on prend la décision selon le Christ. You are different from them. Anders als sie. Mais toi, tu es différent au monde. And that's why Jesus is asking them here. He said unto them, "But whom say ye that I am?" Deswegen fragt Jesus hier, für wen haltet ihr mich? C'est ça pourquoi Jésus-Christ demande, qui dites-vous que je suis? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16, and Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Praise the Lord. Hallelujah. No, great revelation. Eine große Offenbarung. Une grande révélation. The Lord reveals something through Peter. Der Herr hat etwas offenbart durch Petrus. Dieu a révélé quelque chose à travers de Pierre. You know, Satan did not even, you know, are you getting it? He was there. He was looking for his own time to react. Der Satan war da und er hat auf seine Zeit gewartet, um zu sprechen, um zu handeln. Is somebody getting it? Et le diable n'était même pas menacé quand Pierre a, oui, a parlé, ou bien a, oui, confessé cette révélation, parce que le diable a attendu jusqu'à ce qu'il puisse aussi agir. He knows that something has been revealed to Peter. Er wusste, dass etwas offenbart wurde. Und er wartet auf Petrus. Et il savait que quelque chose a été révélé à travers de Pierre. Praise the Lord. Amen. And that's why once revelation comes, be careful. Dass wenn Offenbarung kommt, seid vorsichtig. C'est ça pourquoi après avoir reçu une révélation, je dois faire attention. Amen. Ask him how, the way, and everything. Frag ihn, because he has his own way. Weil er hat seinen eigenen Weg. C'est ça pourquoi tu dois demander le chemin de Dieu, parce que même le diable a aussi son propre chemin. Praise the Lord. Amen. Amen. And Jesus answered and said unto Peter, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Genau. Praise the Lord. Hallelujah. My Father revealed this to you. Amen. Amen. And not flesh and blood. It did not come from man. Diese Offenbarung kam nicht von Menschen, sondern mein Vater hat es dir offenbart. Amen. Christ a dit, ce n'est pas l'homme qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. My Father, which is in heaven, revealed this to you. Mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. And not man. Und kein Mensch. Mon Père qui est dans les cieux a révélé cette chose, et pas l'homme. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, my revelation is Satan's revelation. Die Offenbarung eines Menschen ist gleichzeitig die Offenbarung vom Satan. La révélation de l'homme est directement sur la révélation du diable. Amen. Satan also have his own revelation. Denn der Satan hat auch seine Offenbarung. Parce que même le diable a aussi ses propres révélations. Amen. He have a lot of hidden things. Er hat viele versteckte Dinge. Il a des choses, beaucoup de choses cachées. Amen. Amen. You know all this religion. Look, if you see your founder, they always see angel, one angel or the other. All these demonic angels that reveal things to them. That is through them they form religion. All diese Religionen, die es auf der Welt gibt, und die Religionsfilme basieren alle auf irgendwelche Engelserscheinungen, die sie gesehen haben. Es sind satanische, dämonische Erscheinungen, die sie gesehen haben und die diese Weltreligionen ins Leben gerufen haben. Et toutes les religions dans ce monde sont basées sur les révélations des anges. Par exemple, sont basées sur les révélations démoniaques. Praise the Lord. Amen. In verse 18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound, whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Amen. You can see heaven obey you. Du siehst, dass der Himmel dir gehorcht. Tu vois que les cieux t'obéissent. Amen. You are the only one heaven can obey. Du bist der Einzige, auf den der Himmel hört, durch Christus Jesus. Amen. Tu es la seule personne que le ciel peut obéir à travers du Christ. Amen. Praise the Lord. And that's why I don't underrate yourself. Deswegen unterschätze dich selbst nicht. C'est pourquoi tu vas jamais te sous-estimer. You are not different from Peter. Du bist nicht anders als Petrus. Tu n'es pas différent à Pierre. Amen. Amen. Message I wanted to let me just postpone it because it will be to take too long. I mean, I'm Sunday by God's grace. Amen. Amen. It's okay. Praise the Lord. Hallelujah. You are not different. Das ist nicht anders. You know, you are not just different. You know, Peter's shadow healed the sick. Der Schatten von Petrus hat die Kranken geheilt. Wir sind nicht anders als er. Das ist das, was der Herr mir gesagt hat. Amen. Et tu dois savoir que tu n'es pas différent à Pierre parce que même la présence de Pierre pouvait même sauver les gens. Because Christ's word is the same. Weil das Wort von Christus ist das gleiche. Amen. Parce que la parole du Christ est le même. Because it is incorruptible seed. Weil es ein unvergänglicher Same ist. Parce que c'est un grand incorruptible. Corruptible. Incorruptible. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is the same. Es ist das gleiche. Et c'est, il est le même. The problem is not you. Das Problem ist nicht du. Toi, tu n'es pas le problème. They are the problem. Sie sind das Problem. Eux, ils sont le problème. Praise the Lord. Hallelujah. Let me continue. Amen. Amen. Papa will help us to read verse 20. Vers 20. Vers 20. Matthäus 16, Vers 20. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders, as chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Verse 22. You know, Satan was just waiting. Satan to watch. You can see. You better be. He was just waiting. Hat gewartet. Le diable attendait. And that's why after revelation, you should be careful. Nach Offenbarung sollten wir vorsichtig sein. C'est ça pourquoi après avoir reçu une révélation, tu dois faire attention. It's not everything that comes immediately that you follow. Nicht alles, was kommt, sollst du nachgehen. Ça signifie pas tout autre bien, pas toute chose qui vient, tu dois les suivre. Amen. Amen. You know, it's like one film of Mr. Bean we watch. You know, somebody just, you know, once you want to cross something, then that's something we go up. What do you call it? We go up. And somebody enter. Those of Mr. Bean quickly. You understand? That is how Satan walk. He always watch where Christ is. And he want to follow immediately. Because he knows that for man to recognize him is hard. Und es ist genauso wie bei einem Beispiel bei einer Folge von Mr. Bean, wo er versucht hat, das Schrankensystem in einem Parkhaus zu umgehen. Er hat gesehen, dass sein Vormann bezahlt hat, das Parkticket, und dadurch sich die Schranke geöffnet hat und wollte dann mit dieser Person genauso schnell durch diese eine Sekunde Schrankenöffnung durchfahren. Natürlich geht das nicht, weil das ja natürlich so getimed ist, dass es dann immer direkt runtergeht, sobald dann das nächste Auto davor kommt. Aber er wollte versuchen, das System zu brechen, wie immer. Und genauso ist auch der Satan, dass er dann versucht, wenn Jesus durch etwas geht, er dann direkt versucht, sich mit anzuhängen, um mit da durchzugehen. Und deswegen müssen wir wachsam sein. Amen. Il y a une série de Mr. Bean. C'est une série américaine. Et puis cet homme, il a. Quand une autre personne a payé le parking, lui aussi, il était derrière cette personne. Et puis quand cette personne a payé le parking, et puis la porte du placard s'est ouverte, directement, il a su aussi cette voiture pour ne pas payer lui-même. Et c'est puis c'est comme ça aussi comment le diable il travaille. Quand il voit que Dieu te donne une révélation, il est directement aussi là pour aussi agir. La même chose comme si une autre personne paye quelque chose pour toi, si maintenant tu profites pour ne pas payer toi-même. Praise the Lord. Hallelujah. Can Papa help us to read again? Verse 22. 22. On va lire encore Matthieu 16, verset 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Praise the Lord. Hallelujah. The same Peter. Der gleiche Petrus. You can see it so fast. So schnell. The next thing Peter was going to say, Satan coming out through him. Die nächste Sache, die Petrus sagen wollte, und er hat direkt dann angegriffen, ne? Und er hat beobachtet und gewartet auf seine Zeit. Et dans verset 22, on peut voir comment le diable est travaillé, parce que Pierre, d'abord, il a parlé des révélations de Dieu, mais après, ici, on peut voir comment le diable travaille maintenant à travers de Pierre. Donc, le diable est vraiment vite. Remember, Jesus said, do what they do. Or let me put it, do what they say and not what they do. Erinnert euch daran, dass Jesus sagt, tu, was sie sagen, aber tu nicht das, was sie tun. Wir werden uns die Stelle auch nochmal durchlesen. Et rappelez-vous à ce que Jésus-Christ nous dit là, dit, faisait ce que les pharisiens vous dites, mais ne faisait pas ce qu'ils font. Amen. Praise the Lord. Amen. He did not say, don't listen to them at all. Er hat nicht gesagt, hör ihnen gar nicht zu. Il n'a pas dit que n'écoute pas leur musique ou bien. Amen. He did not say, don't do what they say. Er hat nicht gesagt, tu nicht das, was sie sagen. Il n'a pas dit, ne fais pas ce qu'ils disent. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 23, please. Matthäus 23. Matthew 23. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 23. Matthew 23. Matthew 23. We'll quickly read 1 to 3. 1 bis 3. Verset 1 à 3. Then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribe and the Pharisees sit in Moses' seat. You know these people, Jesus called their father the devil. Diese Leute, Jesus nennt ihren Vater den Satan. In Johannes 8 lesen wir das. Rappelez-vous dans Jean, oui, Jésus-Christ appelle les pharisiens les enfants du diable, donc il dit que le diable est leur père. Though their father is the devil. Obwohl ihr Vater der Satan ist. Bien que le diable soit leur père. Vers 3. 3. He said, and all therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not. They sing and never follow. Sie singen, aber folgen nicht. Somebody getting it? On va lire verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc, même avec les musiciens chrétiens, par exemple, eux, ils chantent, mais ils n'agissent pas selon leurs chansons. They can sing songs that worship Christ. Sie können Lieder singen, die Christus verherrlichen, aber sie tun das nicht. Sie verherrlichen Christus selbst nicht. Ils peuvent chanter sur Jésus-Christ, mais eux, ils n'agissent jamais sur ce qu'ils chantent. They are not different from their father. Sie sind nicht anders als ihr Vater. Ils ne sont pas différents à leur père. Go to the book of James. Jakobus. On va lire Jacques, le livre de Jacques. Praise the Lord. Amen. James. Jacobus. James 2. Jakobus 2. Vers 19. Jacques 2, verset 19. They are not different from their father. Sie sind nicht anders als ihr Vater. Ils ne sont pas différents à leur père. You see it here. You already know where we are. Mm. Amen. Amen. He said they are not different. They are the same. Mm. Er sagt, sie sind nicht unterschiedlich, sie sind gleich. Donc verset 19, on peut voir que Jésus-Christ n'a pas une différence entre eux et le diable. He said, "Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble." Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, they can sing the song to praise the Lord, but they are not praising their Lord. But you can sing that same song and be praising the Lord. Sie können einen Song singen, um den Herrn zu preisen, aber tun es nicht. Aber du singst diesen Song und du preist den Herrn damit. Vers 19, on a écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Donc ça se montre que eux, le monde peut chanter la chanson qui loue Dieu, mais il n'agit pas selon leur chanson. Mais toi, tu peux chanter la même chanson et puis agir selon cette chanson et puis louer aussi l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. But the Bible says we should be vigilant. Sober sagt, wir sollen and vigilant. Wachsam sein. Et la Bible nous dit qu'on doit être vigilant et sobre. He said we should watch and pray. Wachsam und nüchtern, wachsam und beten. Il a dit qu'on doit être sobre et puis prier. Être vigilant et prier. Because Satan. Amen. You know, that's why I pity religion. Religious church so much. Religious people. Lauert. I just pity them so much. Der Satan lauert und deswegen bemitleide ich religiöse Gemeinden so sehr. Et j'ai vraiment pitié avec les églises religieuses parce que le diable est vraiment rusé. Those that are so full of religion. Die, die so voll sind von Religion. Ich habe Mitleid mit diesen Gemeinden. Et j'ai pitié avec les gens qui sont remplis de la religion. Because they don't have the truth, they cannot prove anything. Denn sie haben die Wahrheit und somebody gets in it. Können nichts beweisen und nichts prüfen. Ils n'ont pas la vérité, c'est ça pourquoi ils ne sont pas capables à juger quelque chose, mais examiner quelque chose. You can only prove things through Christ. Du kannst Dinge nur prüfen durch Christus, durch die Wahrheit. Et tu peux seulement examiner les choses à travers le Christ. If you do not know the truth, you cannot. If you do not know the truth, you are blind like them. You cannot prove anything. Dann kannst du nicht so prüfen wie sie. Du wirst blind sein wie sie. Et si tu n'as pas la vérité, ou bien tu sais pas comment examiner quelque chose, là tu es aussi aveugle comme eux. You know, First Corinthians. Let's go there. Let's go to First Corinthians. 1. Korinther. 1 Corinthians. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. First Corinthians. 2. 1. Korinther 2. 1 Corinthians 2. From verse 14. Verset 14. He said, "But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things." To be spiritual is not it's not crossing your leg and sitting down somehow and just be looking and be concentrating on him. You know, concentrating on things. Geistlich zu sein bedeutet that's not spiritual, what Christ is talking about. Geistlich zu sein bedeutet nicht, im Schneidersitz zu sitzen und sich auf irgendwas da draußen zu fokussieren. Das ist nicht die Geistlichkeit, von der Christus Jesus spricht. Et être spirituellement sensé, ça signifie pas que tu te mets par terre, par exemple, et puis tu commences à méditer. You know, a lot go to the spiritual world. They go into the spiritual world, but that of Satan. Viele gehen in die geistliche Welt, aber die geistliche Welt vom Satan. Going to miss Satan. Und du wirst da dann auch eindringen, aber du wirst den Satan treffen, nicht Christus. Il y a beaucoup de gens qui partent au monde spirituel, mais ils partent là-bas pour rencontrer le diable. You know, it's a he that is spiritual judges all things. Even Satan, no. He said, "Jesus, I know. Paul, I know. He can judge." Und steht auch, der geistig ist, richtet über alle Dinge. Und der Satan weiß das. Denn der Satan, er sagt ja auch, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, wer bist du? Et la Bible nous dit que l'homme spirituel juge tout, et puis même le diable le sait aussi. Remember the damsel, just 16 years old girl, was able to know Paul that this is different. This is somebody different. Are you getting it? You know, he can judge, he can see who is who. spiritual judges all things. Er hat euch an Satan knows Jesus. He knows you. Amen. He can judge. He knows what is between you, that this is light and this is darkness. Erinnert euch an dieses Wahrsagermädchen, was mit 16 schon diese ganzen geistlichen Dinge erkennen konnte. Und sie hat auch Petrus erkannt. Und das ist, weil dieses Geistliche diese Einsicht hat und weiß, wer ist. Und genauso ist auch der Satan und kann auch unterscheiden, wer wirklich zu Christus gehört und wer nicht. Et on doit savoir que l'homme spirituel peut tout juger, puis cet homme spirituel n'est pas seulement, c'est pas seulement les gens qui sont en Christ, mais les gens qui sont aussi aux côtés du diable, par exemple dans l'histoire de dans l'Acte des Apôtres où la petite sorcière a été capable de savoir qui est Paul dans l'esprit. Donc ça montre que l'homme spirituel juge toujours tout. To judge righteously must be through Christ. Um gerecht zu richten, muss es durch Christus sein. Et pour juger juste, ça doit être à travers du Christ. Amen. Amen. It's not by going to church, it's by nicht, knowing the truth. Indem man zur Kirche geht, sondern indem man die Wahrheit kennt, das, was Christus Wahrheit nennt. Et tu ne juges pas juste parce que tu pars à l'église, mais parce que tu appelles la vérité, ce que Jésus-Christ appelle la vérité. I pity the religious people so much. Ich habe Mitleid mit den religiösen Menschen. J'ai pitié avec les gens religieux. Because for Satan to steal, kill and destroy them is so easy. Denn es ist so einfach für den Satan, von ihm zu töten, stehlen, zu zerstören. Parce que c'est très facile pour le diable qu'il détruit et puis il tue ces gens. Because they follow everything that says Jesus. Denn sie folgen allem, was Jesus sagt. Parce qu'il so was Jesus was nach Jesus aussieht oder wo Jesus draufsteht sozusagen. Ja. Parce que donc j'ai pitié avec les gens qui suivent j'ai pitié avec les gens religieux qui suivent tout qui représentent Jésus-Christ ou bien qui mentionne cite le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. I was like that before. Ich war früher auch so. Moi aussi j'ai été comme ça. Amen. Evil songs, we have to prove the songs. Auch Lieder müssen wir prüfen, deswegen. Und doit aussi juger les chansons qu'on attend. Praise the Lord. Halleluja. And not the songs, it is not the... You know how you prove songs? Songs that complain. The songs that is always begging. You are not a beggar, you are a song. Und wir prüfen Lieder, indem wir beispielsweise erkennen, dass wenn es ein Lied ist, wo die ganze Zeit darum gebettelt wird, um Dinge gebettelt wird, dass du halt das nicht akzeptierst, sondern dass du das verweigerst, weil du bist kein Bettler, du bist ein Sohn. Et tu dois aussi juger toutes les chansons que tu écoutes, parce qu'il y a beaucoup de chansons chrétiennes qui se plaignent. Par exemple, si une personne chante toujours Dieu écoute mes prières, sois là pour moi, ça montre que tu es un mendiant, mais pas un fils. Les songs, you know. You remember Anna, you remember Peter, you remember Paul. Why don't you remember me? Mm. We sing it a lot in Nigeria. Amen. Leader the music. Well, remember me, Lord. Remember me. And the pastor will say, the Lord will remember you. If he did not remember you, why did he give you Jesus? Mm. He have already, you are, he remembered you. He never forgets his children. Amen. And that's why he gave us Christ. He gave us himself. Amen. Lieder, wo gesungen wird, dass der Herr sich an einen erinnert und einen nicht vergisst, aber und der Pastor, der genauso religiös ist, sich denkt, ja, der Herr wird sich safe an dich irgendwann erinnern, wenn du nur lang genug weinst und lang genug bettelst und lang genug in der Gemeinde bleibst. Aber Christus hat sich an dich erinnert, deswegen ist er auch für dich gestorben, deswegen ist er auch für dich gekommen, weil er sich eben an dich erinnert hat. Et surtout en Afrique, il y a des chansons qui disent, Seigneur, tu t'es rappelé à Anne, tu t'es rappelé à Moïse, à Jérémie, c'est ça pourquoi je te demande aussi à te rappeler à moi. Mais tu dois savoir que Dieu il s'est déjà rappelé à toi parce qu'il t'a donné son fils Jésus-Christ. Parce que si Dieu n'avait pas pensé à toi, là Jésus-Christ n'allait pas venir. Praise the Lord. Hallelujah. Remember when Jesus sent his disciples, he said, "Be wise like serpents." Erinnert euch daran, als Jesus seine Jünger geschickt hat, hat er gesagt, seid weise wie die Schlange. Et quand Jésus-Christ était ici, nous a dit d'être sage comme les serpents. You can see how he was so wise in Matthew 16. Is it wie weise er war? Immediately, he did not go through somebody else, but it's through the same mouth. Er ist nicht durch jemand anderen. The revelation of Christ Jesus came out. Sondern durch den gleichen Mund, durch den die Offenbarung von Christus gekommen ist, hat der Teufel gesprochen. Within a short time. in einer kurzen so clever, Zeit. So wise. Et on peut voir comment Jésus-Christ il a été aussi sage, parce que quand Pierre a confessé la révélation que Dieu lui a donnée, le diable a profité pour directement parler aussi à travers la même bouche de Pierre. Donc c'est ça pourquoi on doit être vraiment sage quand il s'agit de la vérité. The Lord revealed this to me. The Lord revealed this. Yes, he revealed this. Amen. Amen. Amen. Amen. Have his own ways. Der Herr kann dir immer wieder Dinge offenbaren, aber dennoch hat er seine eigenen Wege, die du kennen musst. Même si tu dis que Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé cela, tu dois savoir que Dieu a toujours ses propres chemins. Amen. You know Moses, he knew he was the deliverer. Moses, and you know the ways of the Lord was absent. Amen. He knew he was going to, through him, the Lord was going to deliver the children of Israel. But the ways of the Lord was absent. You have to ask him, how am I going to achieve it? Just like, you know, Mary asks, how is it going to come true? It's a good question, very wonderful. Because there are ways of men, there are ways of the Lord. Genauso wie bei Mose. Mose wusste beispielsweise, dass Somebody er die Kinder Israels befreien würde. Aber wie hat er das gemacht? Er ist seinen eigenen Weg gegangen und nicht den Weg des Herrn. Aber beispielsweise bei Maria wusste, dass sie jetzt halt Jesus gebären wird, aber hat dann gefragt, wie soll das passieren, wie wird das gemacht, weil es eine Sache ist die Offenbarung, aber die andere Sache ist der Weg dahin. Par exemple, Moïse, il savait qu'il allait délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, mais le problème était que le chemin du Christ n'était pas présent dans sa vie. Il commençait à prendre ses propres décisions et de prendre son propre chemin. Et pour cela, on doit prendre la décision comme Marie. Elle, par exemple, elle a demandé à l'ange Gabriel comment elle doit agir quand Gabriel lui a donné la révélation qu'elle sera, enceinte avec un bébé, bien qu'elle ait, elle était une vierge. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Can we go to that of Mary? Wir gehen zu dem Maria-Beispiel. On va lire l'histoire de Marie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Luke, the book of Luke. Lucas. Luke. Luke 1. Lucas 1. Luke 1. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. From verse 31, because of time. Lucas 1, verse 31. Luke 1, verse 31. Remember, the angel of the Lord, angel Gabriel, came to Mary. From verse 31. And behold, thou shalt conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord shall give unto him the throne of his father David. Verse 33. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Amen. Amen. 34. 34. And Mary, and then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Praise the Lord. Hallelujah. How is it going to work? Wie wird das funktionieren? Comment cela se fera? What is the way? Wie ist der Weg? What am I going to do? Was werde ich tun? What is next? Was ist der nächste Schritt? Comment je peux agir? Qu'est-ce que le chemin? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Der nächste Schritt. Amen. You know, you already have, there was already a fiancé waiting. Sie hatte schon einen Verlobten, der gewartet hat. Is it through him? Soll das durch ihn passieren, diese Offenbarung? Et quand Marie a reçu la révélation de Gabriel, Gabriel, elle a demandé comment cela se fera-t-il. Donc, mais on doit savoir aussi qu'elle avait déjà un fiancé à côté d'elle. Verse 35. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. The how. Das wie. Is somebody getting it? Mm-hmm. Le comment de Dieu est toujours différent. Imagine if she did not ask that question. Stell dir mal vor, sie hätte diese Frage nicht gestellt. Und hätte sie sich nach dem System dieser Welt gemacht. Und der Satan hätte ihr einen Weg gegeben, einen Weg gezeigt. Imaginez-vous que Marie n'avait pas demandé la question comment agir. C'est là où le diable pouvait même la donner une autre révélation. Toquer le fish. You will give the fish his best food. Catch a fish in the sea. Wenn du zum Beispiel einen Fisch fangen willst, dann gibst du, lockst du diesen Fisch mit einem Köder, mit etwas, was er gerne hat. Si tu veux attraper une poisson, tu vas attraper cette poisson avec la nourriture qu'il aime. There are some churches, they are not there for you. Es gibt einige Gemeinden, die sind für dich da, die können alles für dich tun. Il y a des églises qui sont toujours là pour quelqu'un, ils sont toujours là quand tu as un problème. Like look at the Catholic for example, Caritas is there. They give you things. They don't need your money. Sie geben dir Dinge, sie brauchen dein Geld. They will give you money. Sie geben dir Geld. But if you want to catch a fish, if you want to get a fish, you give the fish what that fish loves. Aber wenn du einen Fisch fangen willst, gibst du diesem Fisch etwas, was er gerne isst. Und das ist das System des Satans. Comme par exemple l'église catholique, eux par exemple, ils sont toujours là pour les gens à travers de Caritas. Tu n'as pas besoin de leur donner l'argent, mais c'est plutôt même l'église qui te donne l'argent. Et c'est la même chose comment le diable il travaille. Quand il veut attraper une poisson, il va toujours... Il va toujours attraper cette poisson avec la chose qu'il aime de plus. Amen. You will give the fish his best food, one of his best food. Amen. Du gibst dem Fisch sein Lieblingsessen. The fish will see the food so good. Und der Fisch wird dieses Essen so gut sehen und so schmackhaft. Et quand tu donnes le poisson, mm-hmm. Quand tu donnes le poisson à la chose ce qu'il aime, là, il va être attiré. Amen. Praise the Lord. And also to kill a rat. Auch um eine Ratte zum Beispiel zu töten. Eben pour tuer un rat. You know, yeah, they give the crazy. In Nigeria, they give the crayfish. And if you give, you know, there are different rats everywhere. You see, I came to Europe and I now know, and I saw that. At the beginning, we are giving fish. They don't let you reject it. Hey. All this, so there's a European rat, okay? You know, we have to check. What do they eat? They don't say Casey. Yeah. Okay, praise the Lord. Amen. Cheese. Casey means cheese for those in Nigeria and everywhere. Praise the Lord. Hallelujah. Genau, auch wenn man eine Ratte fängt, gibt man ihr das, was sie gerne hat. Dann zum Beispiel, als wir halt versucht haben, eine Ratte zu fangen, haben wir ihr Shrimps gegeben, getrocknete Shrimps, weil in Nigeria ist es normal, dass Ratten Shrimps einfach lieben und deswegen da hinterher sind. Und dann haben wir halt versucht, hier die Ratten auch mit diesen Shrimps zu locken, aber die sind halt nicht darauf eingegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist da los? So, normalerweise in Nigeria würden die sich schon darauf stürzen. Und dann haben wir halt gefragt und hat man uns gesagt, hier in Deutschland essen Ratten halt Käse gerne. Und dann wussten wir, okay, krass, es gibt anscheinend europäische Ratten und afrikanische Ratten. Und ja... Et quand, par exemple, on avait beaucoup de rats ici à la maison, on ne savait pas qu'ici, en Allemagne, les rats aiment manger surtout des fromages. Donc, ça signifie si tu veux attraper des rats, tu dois leur donner des fromages. Mais chez nous, au Nigeria, on donne toujours les rats des crevettes. Et je ne savais pas qu'il y a une différence entre les rats européens et puis les rats... Nigerien. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you are getting it. Amen. Amen. Amen. That's the work of Satan today. Und das ist das in Africa, he knows how to get them. Er weiß, ah, yeah, you know how to get it. Er weiß, wie er die Menschen in Afrika lockt, mit welchen Dingen er sie locken kann. Und er weiß, wie er in Europa Menschen locken kann, mit verschiedenen Wegen. Et c'est comme ça comment le diable travaille. Il sait comment attraper les gens en Afrique, puis comment aussi attraper les gens ici en Europe. He knows what they are hungry after, what they are pursuing in Africa. Er weiß, he knows what they are pursuing here in Europe. Wo hinter die Menschen her sind in Afrika, und er weiß, wo, was die Leute in Europa suchen. Le diable, il sait ce que le gens africains poursuivent, ce que les gens européens poursuivent. Amen. Amen. Why are you giving the rat his best food? Aber wieso gibst du dieser Ratte sein Lieblingsessen? Mais pourquoi est-ce que tu donnes ce rat sa nourriture préférée? Is it to save the rat? Ist es die Ratte zu retten? Est-ce que c'est pour sauver ce rat? Ah, I pity religion so much. Ich habe Mitleid mit Religion. J'ai pitié avec les gens religieux parce qu'ils sont morts. For Satan to steal, kill and destroy them is so easy. Mm-hmm. Very easy. Dass der Satan sie von ihnen stiehlt und zerstört, ist so einfach. Et c'est très facile que le diable détruit puis tue les gens. You know, the rat will see the food so good. Die Ratte sieht dieses Essen als so gut an. Et le rat pense que cette nourriture est vraiment délicieuse. So also, you know, the different, you know, religion, they will, you know, they will prepare things for you. Then you have things that look so good. Und sie haben Dinge, die so gut erscheinen, die so gut aussehen. Und du akzeptierst das. Même comme aussi la religion, ou bien les religions vont préparer des choses pour toi qui semblent vraiment adorables, puis ils vont essayer de t'attraper avec ça. Pollutions are everywhere. Verunreinigung ist überall. La pollution est partout. Be very careful. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Wir müssen vraiment attention. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Satan poisoned biscuits. Der Satan hat Kekse vergiftet und Menschen essen das. Le diable a empoisonné les biscuits et puis les gens les mangent. And that biscuit is religion today. Und dieser Keks ist Religion heute. Et ce biscuit est la religion. No, you poison it. You know, the outside is Christ, but the inside is poison. Das Äußere ist Christus, aber das Innere ist Gift und er nutzt es, um sie zu packen, die Leute. Et l'extérieur est le Christ, mais l'intérieur est empoisonné avec les mensonges du diable. C'est comme ça comment le diable travaille à travers la religion. The Lord says, do what they say and not what they do. Der Herr sagt, tu, was sie sagen, aber tu nicht das, was sie tun. Dieu dit, faisait ce qu'ils disent, mais ne faisait pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Again, watch and pray. Sei wachsam und bete. 1. Peter 5. 1. Petrus 5. Soyez vigilants et priez. 1 Pierre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Vers 8. Vers 8. 1 Peter 5, verse 8. 5. 5. 1 Pierre 5, verse 8. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may destroy. 1 Petrus 5, 8. Amen. 1 Pierre 5, verse 8. Don't underrate him. Unterschätze den Satan nicht. That's what he is telling us. Das sagt uns diese Stelle. C'est ça ce que verse 8 nous dit. Don't underrate his lies. Unterschätze seine Lüge nicht. Ne sous-estime pas ses mensonges. That's why Ephesians 6 said. Let's go to Ephesians 6. Ephesians 6. On va lire Ephesians 6. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 6. From verse 10. Epheser 6 von Vers 10. Ephesians 6, verse 10. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord. Let your focus be Christ completely. Lass zu, dass dein Fokus vollkommen auf Christus liegt. Permet que ta concentration soit vraiment sur Jésus Christ. Amen. Your value, your desire, your motive, let everything be Christ. Deine Wünsche, lass zu, dass alles Christus allein ist. Tes valeurs, tes désirs, tes. Et tout ce que tu, tes rêves permet que tout soit Jésus-Christ. Don't have hidden agenda. Hab keine verborgenes keine verborgenen Motive. Praise the Lord. Hallelujah. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, his lies. Seine Lügen. Ses mensonges. He said, put on the whole armor of Christ. Christ's armor. Zieh die ganze Waffenrüstung an. Denn Christus hat seine eigene Waffenrüstung. Verset 11 qui dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, parce que le Christ a ses propres armes. Praise the Lord. Hallelujah. He said in verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. He said, don't underrate them. Don't underrate them. Er sagt, thou shalt be angry with them. Diese Gewalten nicht. With evil. Hasse das with Böse. Satan. Hasse den Satan. With his lies. Verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations diaboliques. Alors, c'est ça pourquoi on ne doit pas sous-estimer le diable, tu dois plutôt détester les mensonges du diable. Hate religion. Hast du religion? Déteste la religion. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. People embrace religion, especially Christianity. They think they embrace Christ. Leute akzeptieren Religion. Und denken, dass sie damit Jesus akzeptiert haben. Christianity is the worst enemy to Christ. Les gens embrassent la religion surtout à travers le christianisme. Amen. Das Christentum ist der größte Feind des Menschen. Et le christianisme est le plus grand adversaire de l'homme. Amen. Because they are closer to Christ than even the Muslim. Christianity. Naturally, when people are seeing how they are seeing it. Anytime you just mention Christ, it's straight to Christian. Denn natürlich gesehen ist das Christentum viel näher an Gott und an Christus, an Jesus dran, als die Muslime beispielsweise. Parce que naturellement, le christianisme est plus proche à Jésus-Christ par rapport aux musulmans. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. But we wrestle not against flesh and blood. Verse 12. But against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Verse 13. He said, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Verse 14. 14. Stand therefore, having your loins girl about with truth. Do you see that? Mm-hmm. With truth. With the Wahrheit. With Christ. Christ is the truth. Amen. John 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. Yeah, do you get it there? Yeah. Let him be Christ alone in everything. With the Wahrheit, weil Christus. Both inside and outside. With the Wahrheit, weil Christus selbst die Wahrheit ist. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen soll alles Christus allein sein. Et dans verset 14, on voit encore l'importance de la vérité, parce que Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 14 qu'il est la vérité. Et c'est ça pourquoi permettre qu'il s'agit de Jésus-Christ dans l'extérieur et aussi dans l'intérieur. What Christ called truth, and not what denomination called truth. Und es geht darum, was Christus die Wahrheit nennt, nicht das, was Denomination die Wahrheit nennt. Et il s'agit de ce que Jésus-Christ appelle la vérité, pas ce que les dominations appellent la vérité. And having on the breastplate of righteousness, that is believing Christ, you believe him, alone. Mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, und das ist in dem wir Christus alleine glauben. Et verset 14 nous dit encore revêtez la cuirasse, revêtez la cuirasse de la justice, revêtez la cuirasse de la justice, et c'est on le fait quand on croit en Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. And your feet, verse 15. Verse 15. Should with the preparation of the gospel of truth, God kind of peace. Das Evangelium des Friedens, Gottes Art des Friedens, nicht des Menschen. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, le paix du Christ et pas de l'homme. Verse 15 again, please. And your feet, shoe, with the preparation of the gospel of peace. God kind of peace. And not what this world calls peace. Gottes Frieden, nicht das, was die Welt als Frieden bezeichnet. La paix de Dieu, pas ce que l'homme appelle la paix. It can't be war. That is God kind of war. Es kann Krieg herrschen, aber es ist Gottes Art von Krieg. On peut voir, par exemple, une guerre, mais c'est la guerre de Dieu. Praise the Lord. Verse 16. He said, above all, taking the shield of faith. It's something, are you getting it? Wherewith you shall be able to quench all the fiery doubts of the wicked. Verse 17. And take the helmet of salvation. You see, all the whole armor, say, put on the whole armor of God. Amen. And the sword of the Spirit, which is the word of Christ. Praise the Lord. Amen. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. And watching there unto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. I love this. God sees prayer request. Und wir sehen das Gebet von Paulus in Vers 19. Et dans verset 19, on peut voir la prière de Paul. You see that? To open my mouth boldly anywhere I go. Praise the Lord. Halleluja. Never to be afraid of anything. Dass ich meinen Mund auftun kann, freimütig und niemals Angst habe vor irgendwas. Yes, Chad. Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère d'évangile. Praise the Lord. Amen. Amen. Consider his prayer request. I love it. Mm-hmm. From his heart, not just with mouth, mm-hmm. but from the heart. Mm-hmm. Ein Gebetsanliegen, das aus Herzen kommt, nicht nur ausgesprochen. Et on peut voir la demande de Pierre qui vient de son cœur et plus pas de sa bouche. Because your prayer request can come just from your mouth and not from your heart. Denn ein Gebetsanliegen kannst du auch einfach nur so aussprechen, aber es kommt nicht aus deinem Herzen. Parce que ta demande de prière peut venir de ta bouche, mais pas de ton cœur. Let me say it so that they will see that I'm matured. Und du denkst, lass mich dieses Gebetsanliegen einfach aussprechen, damit sie sehen, wie reif ich in Christus bin. Et tu penses, je vais te faire une demande de prière pour qu'ils voient comment je suis mature. Praise the Lord. Alleluia. Amen. But we know you. Aber wir kennen dich. Mais on te connaît. You cannot deceive somebody that is already in light. Du kannst niemanden in die Irre führen, der sich im Licht befindet. I can see everything. Und ich sehe alles. Beyond what you are seeing. Et je peux voir tout. Tu peux pas manipuler une personne qui est déjà dans la lumière. Je peux voir même tes motifs derrière ta demande de prière. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again, do what they say. And not what they do. Nochmal, tut das, was sie sagen, aber tut nicht das, was sie tun. Encore, fais ce qu'ils disent, mais ne fais pas ce qu'ils font. You can use their music to praise the Lord, but don't be one with them. Du kannst ihre Musik nutzen, um dem Herrn zu preisen, aber sei nicht eins mit ihnen. Ich peux utiliser leur musique pour louer l'Éternel, mais ne sois pas un avec eux. People abuse everything. Denn Leute, artists. Denn Leute missbrauchen alles. Parce que les gens, ils abusent tout. But that does not mean we don't use them. Ils abusent de tout. Aber das bedeutet nicht, dass wir diese Dinge nicht brauchen. Mais ça signifie pas qu'on n'a pas besoin de ces choses. Amen. We do the same work like them. Naturally. Physically. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Even your shame might be really Satan, but you are walking there. Natürlich gesehen machen wir dieselbe Arbeit wie sie. Wir gehen arbeiten genau wie sie. Und dein Chef könnte selbst von Satan selbst besessen sein. Und trotzdem sind wir da und arbeiten im selben Raum mit ihnen. Et naturellement, peut être, bien faire le même travail avec les gens qui appartiennent au diable, mais on travaille toujours là-bas. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, Moshe can become a house of God. Mm-hmm. You know what is Moshe? That is this Muslim building. They are building. We turn it to Christ's house. Mm-hmm. Eine Moschee beispielsweise kann auch zu einem Haus Gottes werden. Une mosquée, par exemple, peut devenir une maison de Dieu. Amen. Mm-hmm. You know, where they used to worship idol before, you can become the house of Christ. Mm-hmm. Here was Hitler's house before. Mm-hmm. This house. An einem Ort, wo man früher Götzen angebetet hat. Maybe not to Christ Jesus today. Mm-hmm. Praise the Lord. An einem Ort, wo man früher Götzen angebetet hat, kann auch ein Ort werden, zu dem Christus verherrlicht wird. Genauso wie dieses Haus hier, das früher einem Nazi gehört hat, ein Menschen, der benutzt worden ist vom Teufel, und heute ist es das Haus Gottes. Et une maison où avant le diable, même les idoles différents ont été adorées. Cette maison peut devenir aussi une maison du Christ à travers le Saint-Esprit. Et comme par exemple cette église, avant il y avait des nazis qui s'habitaient ici, mais maintenant c'est une maison du Christ. They are not the creator. Denn diese Menschen sind nicht die Schöpfer. Parce que ces gens-là ne sont pas les créateurs. They don't have the creator. Und sie haben den Schöpfer auch et nicht. Aussi le créateur. We have the creator. Aber wir haben den Schöpfer. Nous avons le créateur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. They abuse money. We still use money. Sie missbrauchen das Geld, aber wir nutzen das Geld dennoch. Les gens, ils abusent de l'argent, mais nous, on utilise toujours l'argent. They abuse water. In Nigeria, you know, in Benin, they worship water. The god of water. Where we still take down, you know, the same sea that where they call the blood. People go there to fetch water, to drink, to wash their clothes and everything. Are you getting it? Mm-hmm. Und sie missbrauchen auch Wasser. In Nigeria beispielsweise beten viele Leute das Wasser an und die Götter des Wassers. Aber gleichzeitig gibt es Leute, die aus dieser Wasserquelle, wo die Leute anbeten, auch gleichzeitig Wasser schöpfen, um zu trinken. Et au Nigeria, par exemple, il y a des gens qui adorent les dieux de l'eau, par exemple. Donc ça montre que l'homme abuse de l'eau, par exemple, mais les gens utilisent toujours cette source de l'eau pour boire, pour se laver. Amen. Mm-hmm. But what they call the water and what you call the water are two different things. Mm-hmm. Aber das, was sie das Wasser nennen und was du das Wasser nennst, das sind zwei verschiedene Sachen. Mais ce que eux ils appellent de l'eau, que ce que toi tu appelles de l'eau, ce sont deux choses différentes. Their music can be praising. They can use their music to be praising their evil father. But we praise the Lord with the music of the Lord. Mm. Amen. Und sie können beispielsweise with the same music. Und sie können beispielsweise ihre Musik nutzen, um ihren teuflischen Vater zu verherrlichen, aber wir nutzen diese Musik, um unseren himmlischen Vater zu verherrlichen. Et eux, ils peuvent utiliser leur chanson, qu'il s'agit de Dieu, pour louer leur Père mauvais, mais nous aussi on peut utiliser cette chanson pour louer l'Éternel. Don't make that music their music. Und macht diese Musik nicht zu ihrer Musik. They don't have anything. Denn sie haben nichts. Et ne permet pas que cette chanson devienne leur chanson, ils ont rien. They are like their father, the devil, in Colossians. Go to Colossians 2. Wir lesen Kolosser 2. Colossians 2. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They are not different from their father. They don't have everything. They don't have anything. Diese Menschen sind nicht anders als ihrem Vater, der Teufel. Sie besitzen nichts. Sie haben nichts. Et ces gens-là ne sont pas différents à leur père, le diable, parce qu'ils ont rien. Any music we sing is Christ's music. I'm not their music. Jede Musik, die wir singen, ist die Musik von Christus und nicht deren Musik. Et chaque musique qu'on entend, c'est la musique du Christ, pas leur musique. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember, Jesus asked them, what do they say I am? I bet, what about you? Amen. The same Jesus. Who, they said this, they said that, but what about you? What do you call things? You don't relate things to them, or you relate it to Christ. Mm-hmm. Erinnert euch an die Frage von Jesus zu seinen Jüngern, dass er sie persönlich gefragt hat, für wen haltet ihr mich? Sie bezeichnen mich für etwas anderes, aber ihr, für wen haltet ihr mich? Bezieht ihr die Sachen, die Dinge auf diese Menschen oder bezieht ihr die Sachen auf mich? Et rappelez-vous à ce que Jésus-Christ a demandé à ses, il a demandé ses disciples, il a demandé qu'est-ce que vous pensez que je suis? Les autres, ils disent que je suis Jérémie, Élie, ou bien un autre prophète, mais qu'est-ce que vous disiez? Praise the Lord. In verse 15 of Colossians 2. Colossiens 2, verset 15. He said, and having spoiled principalities and power, he spoiled them. They have nothing. Er hat die Herrschaft und Gewalt. Das heißt, sie besitzen nichts. Have sie haben gar keine Waffe, sie haben nichts, sie besitzen gar nichts. Verset 15, on a écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Und deswegen kannst du diese Musik auch nicht als ihre Musik bezeichnen, weil es Christus Musik ist. C'est ça pourquoi tu ne peux pas appeler les chansons qu'on entend, que ce sont leurs chansons, c'est les chansons de Christ. Amen. Ce sont les chansons du Christ. Amen. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Amen. He spoiled them. He took everything. They are nothing. Mm. They have nothing. Mm. No, they don't let them take whatever that taught Christ or not use it as their property. And we join them. Mm. And say, it's their music. No, it's Christ's music. Amen. Praise the Lord. Christus hat, also dieser Vers sagt, dass Christus uns sie komplett entwaffnet hat und entrüstet hat. Und deswegen ist diese Musik, diese Musik gehört nicht ihnen und lass nicht zu, dass du diese Musik diesen Menschen zuschreibst, sondern diese Musik musst du Christus allein zuschreiben. Mhm. Ah, et Jésus-Christ a dit qu'il a livré publiquement en spectacle tous les gens qui appartiennent au diable. C'est ça pourquoi toutes les chansons qu'on écoute, tu dois permettre que ce sont les chansons du Christ et pas les chansons de l'homme. Ça n'appartient plus à l'homme. Praise the Lord. And Matthew 28 said, Jesus, everything has been given unto me. Where everything belongs to us. Und in Matthäus 28 steht, dass Christus uns alles zugesprochen hat und uns alles gegeben hat. Das heißt, alles gehört uns. Et Matthieu 28, Jésus-Christ a dit, dans Matthieu 28, Jésus-Christ dit que tout a été donné par Dieu à Jésus-Christ. Et ça signifie aussi que nous avons aussi tout ce que Jésus-Christ possède. Amen. Amen. They abuse everything. They abuse blessing the house of Christ. Mm. Und sie missbrauchen auch das Segnen der Gemeinde. Ils abusent de tout, mais ils abusent aussi de donner à l'église, bénir l'église de Dieu. They abuse it, but we still bless the house of Christ. Mm. Und die Menschen missbrauchen es, die Religion missbraucht das, aber wir segnen trotzdem das Haus Gottes, weil sie uns nicht aufhalten können. Les gens abusent de l'action de grâce, mais nous, on continue à donner à l'église parce que ça vient du Christ, et personne ne peut nous retirer à obéir à Dieu. You can see their celebration, they celebrate themselves. Mm. Their birthday is all about them, their marriage is all about them. Their burial is all about them. Everything is all about them. But for us, it's all about Christ. Amen. Und wir sehen auch, wie Religionen ihre Feierlichkeiten missbrauchen, weil wenn sie feiern, dann geht es nur um sie selbst. Sie feiern sich selbst, wenn sie heiraten oder wenn sie Geburtstag feiern und stellen sich selbst in den Mittelpunkt. Aber wenn wir feiern, dann feiern wir Christus und stellen Christus in den Mittelpunkt. Et on peut voir comment les gens, ils fêtent aussi, par exemple, leurs anniversaires, leur mariage, leur funérailles, puis ils le font avec des motifs charnels parce qu'ils sont en train de fêter eux-mêmes. Mais nous, quand on fête, on a des mariages ou bien des anniversaires, on le fait pour glorifier Jésus-Christ et pas l'homme. Amen. Praise the Lord. Amen. Celebrating themselves means celebrating Satan. Sich selbst zu feiern bedeutet, den Satan zu feiern. Et de fêter soi-même, ça signifie que tu fêtes le diable. Amen. Because they celebrate Satan, that does not mean we don't celebrate Christ. Und nur weil sie sich dafür entschieden haben, den Satan zu feiern, bedeutet das nicht, dass wir nicht Christus feiern. Et puis seulement parce que eux, ils ont choisi à fêter le diable, ça ne signifie pas que nous, on ne choisit pas Jésus-Christ. Praise the Lord. Again, if the Lord reveals things to us, let us allow his ways to be our way. Wenn der Herr uns Dinge offenbart, dann lasst uns zulassen, dass es auch nach seinem Weg passiert. Et si Dieu nous révèle quelque chose, nous doit permettre que ça marche selon ses propres chemins. And not the way that seems right unto a man. Und nicht der Weg, der für den Menschen als richtig erscheint. Et pas selon le chemin qui semble bien à l'homme. And not the way that is very fast. Und nicht der Weg, der schnellste Weg ist. Et pas le chemin qui est plus vite. Praise the Lord. We have gone to the message now, but the time has gone. Amen. Mm-hmm. It's now we wanted to start the message, but so we have to postpone the rest. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. So please, if you have any question. Praise the Lord. Amen. Amen.